Il y a aussi parmi les leçons de ce hadith le fait que les voyants mentent plus qu'ils ne disent la vérité. Ils mentent plus qu'ils ne disent la vérité. Mais il y a un point important, c'est que ça peut arriver qu'ils disent la vérité. Ça peut arriver. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que s'ils ne faisaient que dire des mensonges, les gens ne les auraient jamais cru. Ça fait longtemps que cette histoire leur a été réglée, terminée. Mais le fait qu'ils vont dire une vérité de temps en temps, rarement, les gens ils vont s'accrocher à cette vérité. Ils vont s'accrocher à cette vérité. De la même façon que même les musulmans, ils s'accrochent à une vérité qu'ils vont entendre chez Al-Bida. Tu leur dis, ouais, mais attention, ça c'est Al-Bida. Ils te disent, ouais, mais est-ce que tout ce qu'il y a dans le livre est faux? Il te dit, est-ce que tout ce qu'il y a dans le livre est faux? Mais non. Les savants te disent, celui qui pense que les gens de l'innovation, ils ne disent jamais la vérité, celui-là a accompli, donc par cette pensée, celui-ci a commis une grave erreur. Celui-ci a commis une grave erreur. Parce que bien sûr qu'ils vont dire la vérité à un moment. Mais si les savants te mettent en garde contre les gens de l'innovation, c'est pour que tu ne sois pas leurré par cette vérité qu'ils vont prononcer et qu'à ce moment-là, tu ne fasses pas attention aux faux qu'ils vont te dire par la suite et que tu ne tombes dans un égarement à cause de cela. « لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه يحدثك ببدعته حذرته وفررت منه ولكنه يحدثك بأحاديث السنة في بدو مجلسه ثم يدخل عليك بدعته فلعلها تلزم قلبك فمتى تخرج من قلبك. Et donc parole d'Al-Mifdal Ibn Muhalhal qui nous dit, si l'adepte de l'innovation, lorsque tu le fréquentes, si il te parlait directement de son innovation, tu te serais méfié de lui. Et tu aurais fui, tu l'aurais délaissé. Cependant, il va te parler au début. Il va te citer au début les hadiths de la sunna, les récits de la sunna. Au début de son assise, ou au début, donc, à partir du moment où tu le fréquentes, au début, il va te parler de ça. Des hadiths, des récits liés à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Puis, il va faire rentrer en toi son innovation. Et il se peut que celle-ci reste fermement dans ton cœur. Et à partir de là, quand est-ce que cette innovation va quitter ton cœur? C'est une question qu'il pose.